Le temps n'est plus au regret, mais à se construire. J'avance seul, alors où dans mon dos ça conspire. Je les ai considérées comme des sœurs, elles m'ont trahi. Elles m'ont trahi. Plus de 10 ans, j'ai partagé mes moindres secrets, mes moindres peurs, mes moindres petites pensées. C'est clair, les temps changent, les chemins se séparent. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai su qu'il était trop tard. Je leur ai offert mon cœur, mon bonheur, j'étais trop niais. Elles ont laissé notre amitié pour morte sur un corbillard. Sans remords, elles suivent leur propre route. Moi de mon côté, j'avance, qu'elles aient se faire foutre. Vous aviez raison, le sang fait la famille, je vous en prie. Parlez plus de faux amis. Quand on dit en chacun d'eux se cache un ennemi, et personne n'est à l'abri de quelconque fourberie. Quand je ris, c'est pour masquer mon cœur écorché vif. Il est dur pour moi de faire confiance à âme qui vit. Faut se résigner, c'était mektoub comme ça. Imam m'avait prévenu, pourtant j'y croyais pas. Je peux plus faire confiance, on m'a trop trahi. Trop de faux amis, on verrait vrai ennemi. Je peux plus faire confiance par ces temps qui courent. Rien n'est prévisible, les gens ont de discours. Je peux plus faire confiance, on m'a trop trahi. Trop de faux amis, on verrait vrai ennemi. Je peux plus faire confiance par ces temps qui courent. Okay. Rien n'est prévisible, okay. Les gens ont de discours. Avant de partir, on m'a dit t'as aucune chance dans le rap. J'avais pas de niveau pour un solo, pas un lapin. Vous m'aviez boum descendre, j'avais déjà le cul par terre. Quand j'ai vu ce qui se tramait dans mon dos, j'ai pris mes affaires. Trop amusant les coms laissés sur YouTube. Trop délirant votre imagination sur mon huc. Quand la caravane passe, les chiennes aboient. Corée, t'es énigmatique, je me demande sans moi. Je m'invente pas une vie, je sais qui je suis. Et là d'où je viens, vous avez plus aucun appui. Vous vouliez me bloquer avec un contrat d'exclu. 3% de malade, mon gars, c'est de l'abus. Alhamdoulilah, des vrais m'ont fait prendre conscience. Ça vous a pas plu quand j'ai enterré mon innocence. Je vous ai laissé votre bise entre familles. J'étais en trop, je suis parti. Dites pas que je vous ai trahi. Je peux plus faire confiance, on m'a trop trahi. Trop de faux amis, on verrait vrai ennemi. Je peux plus faire confiance par ces temps qui courent. Rien n'est prévisible, les gens ont de discours. Je peux plus faire confiance, on m'a trop trahi. Trop de faux amis, on verrait vrai ennemi. Je peux plus faire confiance par ces temps qui courent. Rien n'est prévisible, les gens ont de discours. J'ai toute la panoplie pour aller faire la guerre. Pas question de me faire taire ou commentaire, je me taire pas. Sous les jupes de ma clique, tiens t'as 30 secondes, assis-toi que je t'explique. On m'implique dans les ondes, j'ai pas le temps pour ça. Pas le temps à perdre dans leur ragot, y'a rouilla. Y'a trop de choses à faire, les minutes sont précieuses. Je m'attarde pas à écouter leur diaillette de bouilleuse. Tu les entends pas, c'est le seum qui fait baver tous ces rats. En bien en mal, on parle de moi par intérêt. Dans ce milieu, y'a que des envieux, je fais ce qui me plaît. Je peux plus faire confiance, on m'a trop trahi. Trop de faux amis, on verrait vrai ennemi. Je peux plus faire confiance par ces temps qui courent. Rien n'est prévisible, les gens ont de discours. Je peux plus faire confiance, on m'a trop trahi. Trop de faux amis, on verrait vrai ennemi. Je peux plus faire confiance par ces temps qui courent. Rien n'est prévisible, les gens ont de discours. Sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible, sensible